Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Fantastic Cast, le podcast qui parle de cinéma fantastique et qui fait un calendrier de l'Avent et qui attaque le... qui a dépassé la moitié, yippie ! Et qui attaque le monument, le phénomène, le... Comment parler de ce film ? Romain, comment ça va ? Ça ira mieux quand on aura fini. Là, on est clairement, on est sur plusieurs. Globalement, le calendrier de l'Avent, on prend beaucoup de plaisir à le faire. On voit pas que des bons films. Je pense que le ratio, on est vraiment perdant. Mais là, on arrive sur le cimetière indien du calendrier de l'Avent. On arrive sur quelque chose là. Ouais. Petite question. Tu as globalement fait toute la sélection et je t'en remercie évidemment. Comment es-tu tombé sur ce truc ? Alors, Elves, je l'ai découvert grâce à un youtubeur qui. Un youtubeur québécois qui parle de films d'horreur, qui s'appelle Horror Critique, qui a aujourd'hui renommé sa chaîne Laurent Champlain, qui est juste son nom. Et que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était l'époque où les gens qui parlaient d'horreur sur YouTube, il n'y en avait pas des masses. C'était. Je sais plus si c'était avant que je découvre Az ou même avant que Az se lance sur YouTube, mais à l'époque, des mecs qui parlent d'horreur, t'as Horror Critique, t'as Drawer, et c'est un peu marre. Y a rien d'autre, quoi. Ouais, tu connais bien mieux ces milieux-là que moi, donc je te laisse entièrement crédit pour ça, mais... Et donc il faisait des marathons spécial Noël au moins la période des fêtes. Il a parlé de... Il en a fait 4 ou 5, je crois, dont Elves, du coup. Alors, comment pitcher ça ? Alors, est-ce qu'on fait un pitch sérieux ou est-ce qu'on fait un pitch cabolox ? Non, fais le pitch sérieux. En fait, je pense qu'il faut... Il faut aborder le film avec le même premier degré dont lui fait preuve. D'accord. Il ne rigole pas, le film. Alors, suite à une soirée entre copines qui a dégénéré... Une soirée anti-Noël. C'est très important. Où on invoque les sœurs de l'anti-Noël. Où les sœurs de l'anti-Noël invoquent les esprits de l'anti-Noël. Elles vont réveiller une entité, un elfe, qui va prendre en chasse... une des filles qui a saigné accidentellement et qui du coup a laissé sa marque. Voilà. Et il se trouve que cet elfe est en fait un elfe nazi. Il a pour projet de engrosser l'héroïne pour redonner naissance. C'est un peu très confus. Hein, pour redonner naissance au projet de notre. Père Satan à tous. Voilà, c'est ça, de l'idole de certains actuellement en France, dirons-nous. Et qui... alors, il y a le grand-père qui était en fait un vieux, mais qui en fait est le père de l'héroïne, parce qu'il y avait de l'eugénisme, mais en fait c'est chiant. Voilà, il a... Tout ce qu'on dit dans le film. Hein. On galère à résumer parce que le film est confus, médiocre, et... C'est un des trucs les plus mal montés que j'ai vu de ma vie. Non, c'est incompréhensible, mais tout est dans le film. C'est zéro van. Voilà, et donc ça mélange satanisme et nazisme. Ça va ensemble, non ? Oui, globalement ça va ensemble. Hein, entre le moustachu autrichien et le diable. Il n'y a qu'un pas. Je vois beaucoup de différences, perso. Mais. Mais putain, c'est. C'est pas drôle, ouais. C'est long, c'est chiant, l'elfe il est dégueulasse, le film est d'une laideur, je pense honnêtement que c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma vie, mais vraiment. Moi aussi. Parce que il y a, même dans un film très moyen que je vois, il y a pas longtemps j'ai vu Ganapat avec Tiger Schroff, qui est loin d'être un très bon acteur, mais qui peut être un minima distrayant. Et globalement, le film est un gros foutage de gueule, mais il y a quelques trucs, je peux gratter un peu pour me dire « Ah, vas-y, j'ai pas entièrement perdu mon temps. » Elves, il n'y a pas ça... À la limite, l'affiche est très belle. L'affiche est vraiment belle. Avec cette main d'elfe qui défait un ruban de... Exactement, et la tagline, c'est « They don't work for Santa anymore ». Mais il n'y a rien, le film, il est catastrophique. En fait, c'est typiquement le genre de film que je vois... traîner au fin fond de au fin fond de cette merveilleuse anthologie documentaire dont on avait déjà abordé, il me semble, qui était Into Darkness, Beyond the Darkness, A Trip Into Darkness, In Search of Darkness, qui était cette saga merveilleuse et qu'on vous recommande, on ne peut pas vous recommander plus, autour des films d'horreur qui, genre, il y a eu les années 80, 90, ils ont fait plusieurs sur différentes sagas, différentes périodes. Il y a aussi eu ça sur la SF, si je ne dis pas bêtises. C'est Tomorrow. Voilà, et vraiment, c'est passionnant. Et c'est pas que des bons films, loin de là. mais à chaque fois, c'est raconté avec énormément de bienveillance, énormément de passion. Il y a plein d'intervenants, il y a celui qui a la chaîne YouTube Dead Meat, ouais. Typiquement, il y a Corey Taylor de Slipknot, il y a énormément d'intervenants, et c'est même quand ils parlent d'un film mauvais, ils en parlent, je trouve, avec une espèce de bienveillance et de côté bon enfant qui est très touchant. Et Elves, c'est typiquement le genre de film que je vois parler de cette façon, c'est-à-dire on sait que c'est très très nul, mais vas-y, pourquoi pas, mais parce que vraiment, c'est très très nul. Et non, moi, ça a été vraiment un très très très mauvais moment, d'autant plus que l'elfe en question, pas beaucoup de temps d'écran, et ce film pose pour moi un nouveau jalon de personnage chiant à suivre. C'est... Ah, avec le truc du grand-père qui fait « Non, je suis pas ton grand-père, en fait, je suis ton père !» Tu fais « Non, mais va te faire foutre !» Voilà, parce que, pour des raisons de génisme, il a fallu que la lignée soit parfaite, et pour ça, il a donc violé sa fille, pour avoir une lignée pure de nazis. Voilà, voilà, super, super. C'est finesse quand tu nous tiens, je retire tout ce que j'ai dit sur Jack Frost. Hein. Voilà, et donc, tu parlais de la tagline US, mais la tagline française sur le DVD, c'est quand même... Le mutant de la destruction est là, je m'appelle Elves, je viens détruire le monde. Attention, n'ouvrez pas vos cadeaux avant l'heure promise. En plus, il n'y a même pas de cadeau dans le film, ça, c'est quoi cette merde, hein, vraiment, Elves, c'est insupportable. En fait, Elves, ça m'a mis des relents, mais des vieux relents, tu vois, de Critters Attacks. Okay. Alors, j'aime beaucoup Critters, c'est une très bonne, c'est très bon sous Gremlins, globalement. Et bon, c'est pas très finaux, ne nous mentons pas. Et Critters Attack, c'est le tout dernier, qui a été fait par Sci-Fi, si je dis pas de bêtises. Okay. Et qui est... Ça serait bien le genre, en tout cas. Qui est catastrophique, c'est dégueulasse, c'est full effet numérique. Et en fait, c'est le truc de... T'avais un point de départ pas dégueu. Enfin, là, le point de départ est déjà nul, hein, mais t'avais un point de départ pas mal... T'as rien fait avec. Et là, dans Elves, en fait, c'est... On adore le cinéma d'exploitation, on adore la série B, y'a pas de problème. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. C'est ça, trop. Ça va trop loin, et surtout, c'est... J'ai vraiment l'impression que le film se moque de moi. Genre, c'est... Il rajoute une couche de nawak sur du nawak, sur du nawak, sur du nawak. Au bout d'un moment, ça surcharge. Et le principe n'est plus de faire rire avec un point de départ rigolo. Le principe est juste d'accumuler les points de départ complètement... bordélique et hasardeux. Il y a le FBI qui vient enquêter après. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste pour le plaisir. En fait, c'est un film qui peut éventuellement être drôle à raconter, vite fait, alcoolisé en soirée, mais qui ne l'est absolument pas à voir, qui ne l'est vraiment, vraiment pas à voir. Moi, c'est ma catastrophe du calendrier de l'Avent, et je pense que ma vie se portait mieux avant ce film. Est-ce qu'on a terminé sur Elves ? On a terminé sur Elves. Vraiment, c'est un film qui... aurait gagné à juste être crétin, mais qui se prend tellement au sérieux, qui a tellement l'impression de faire quelque chose de profond, et, ça... et de raconter quelque chose d'intéressant, alors que non, enfin je veux dire, le film fait 1h30. C'est 1h30 de trop. C'est ça. Même en court-métrage, ce serait pas drôle. À nouveau, c'est un truc que Marc Polonia aurait pu faire, et ça aurait même pas été un bon Marc Polonia. Ça aurait même pas été dans ses meilleurs. Ça se perd dans des sous-intrigues à la con avec le groupe de copines qui veut faire la fête dans le centre commercial, le FBI qui débarque. C'est poussif, c'est fastidieux, c'est... En fait, c'est lourd. J'avais vu un film de Noël qui était... Enfin, un film d'horreur qui était extrêmement nul, qui s'appelait Goblin. Alors, c'est pas connu, c'est juste sorti... Enfin, vraiment, c'est de la merde. Et en fait, Goblin, c'est vraiment une merde. Mais vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dedans. Bah, Elf, c'est exactement ça. Et il n'y a même pas le vernis années 80 pour se dire, bon, au moins, vas-y, pourquoi pas. Oui, parce que Elf, c'est quand même 89. Hein. Oui, donc on entrait dans les portes de l'enfer du début des années 90 pour le film d'horreur. Hein. Bref, on termine sur ce film de merde, on le remballe dans le cadeau, on le réexpédie et on demande, s'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. Et a priori, demain, ça devrait être mieux. On espère.